Maltraitée depuis des années par Mrs. Reed, sa tante chargée de l'élever, la petite Jane Eyre ne supporte plus l'injustice dont elle fait l'objet et se révolte. Mr. Lloyd, l'apothicaire, conseille alors à Mrs. Reed d'envoyer l'enfant étudier à Lowood, une institution de charité pour orphelins dirigée par l'impitoyable Mr. Brocklehurst. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Deuxième épisode. Mesdemoiselles, formez les classes. Silence. De l'ordre, j'ai dit. De l'ordre. Seigneur, au secours. Il était très tôt. Le travail commença par la récitation de certains textes des Écritures, puis il y eut une lecture de la Bible qui dura une heure. Le jour était venu. L'infatigable cloche sonna de nouveau. Les classes marchèrent en bon ordre vers le déjeuner. Je me réjouissais de la perspective de manger quelque chose, car je me sentais près de tomber d'inanition. Les boutons, pourris, j'ai encore brûlé. J'avais une faim si impérieuse que je dévorais une ou deux cuillerées de ma portion sans la goûter. Mais une fois cette première faim apaisée, je me rendis compte que ce que j'avais devant moi était immangeable. Je vis chaque élève goûter sa part et s'efforcer d'avaler, et dans presque tous les cas, l'effort fut bientôt abandonné. Le déjeuner était terminé et personne n'avait déjeuné. Nous rendîmes grâce pour ce que nous n'avions point eu et le réfectoire fut évacué. Mesdemoiselles au jardin. Le jardin était un grand enclos, entouré d'un mur si haut qu'il ne laissait voir aucun paysage. Je m'appuyais contre un pilier. Et serrant mon manteau gris autour de moi, j'essayais d'oublier le froid qui me transperçait et la faim qui me tenaillait. Mes réflexions étaient décousues. Je savais encore à peine où j'étais. Gateshead et ma vie passée semblaient flotter à une distance incommensurable. Le présent était vague et étrange. Et du futur, je ne pouvais rien conjecturer. Mes yeux firent le tour de ce jardin de couvent, puis remontèrent vers le grand bâtiment dont la moitié était grise et vieille, et l'autre tout à fait neuve. La nouvelle aile, qui contenait les classes et le dortoir, était éclairée par des fenêtres à meneaux et à treillis, qui lui donnaient un faux air d'église. Au-dessus de la porte, une tablette de pierre portait ces mots « Institution de Lowood ». Cette portion a été rebâtie par Naomi Brocklehurst de Brocklehurst Hall dans ce comté. Que votre lumière luise dans les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et que votre Père qui est dans les cieux en soit glorifié. Je ne sais d'où me vint le courage qui me poussa à m'adresser à une élève en train de lire sur un banc près de moi. Excusez-moi, pourriez-vous me dire ce que signifie ce qui est écrit au-dessus de la porte? Qu'est-ce que l'institution Lowood? Est-ce différent des autres écoles? C'est une école charitable, en partie du moins. Vous, moi et toutes les autres, nous sommes des enfants assistés. Je suppose que vous êtes orpheline? Oui. Eh bien, toutes les élèves ici ont perdu leurs parents. Lowood est une institution pour orphelins. Est-ce que nous ne payons pas? Est-ce qu'on nous garde pour rien? Nous payons 15 livres par an et par élève. Alors pourquoi nous appelle-t-on enfants assistés? Parce que 15 livres ne suffisent pas pour la pension et l'éducation, et que la différence est donnée par souscription. Qui est-ce qui souscrit? Différents bienfaiteurs des environs et de Londres. Qui était Naomi Brocklehurst? La dame qui a bâti la partie nouvelle du bâtiment, comme le dit l'inscription, et dont le fils dirige tout ici. Vous êtes orpheline? Ma mère est morte. Êtes-vous heureuse ici? Vous faites trop de questions, et je vous ai suffisamment répondu pour le moment. Mesdemoiselles, dépêchez-vous. Silence. Devant. Burns. Burns, vous tenez votre pied en dedans. Tournez-le immédiatement. Burns, vous levez le menton d'une manière très déplaisante. Burns, vous m'écoutez? Je ne veux pas vous voir dans cette attitude. Sortez vos livres, s'il vous plaît. Le seul événement marquant de l'après-midi fut que je vis la jeune fille avec laquelle j'avais causé, renvoyée en disgrâce par Miss Catcher dans classe d'histoire, et condamnée à se tenir debout au milieu de la salle. La punition me parut ignominieuse, surtout pour une fille de 13 ou 14 ans. Je pensais qu'elle laisserait voir des marques de honte, mais à ma grande surprise, elle ne pleura ni ne rougit, restant là, sérieuse et grave sous tous ses regards. Un peu plus tard, la maîtresse donna un ordre que je ne compris pas. Burns quitta immédiatement la classe et revint une demi-minute après, portant une verge qu'elle présenta à Miss Catcher avec une révérence respectueuse. Puis, sans qu'on lui eût rien dit, elle détacha son tablier et la maîtresse lui infligea une douzaine de coups sur la nuque. Pas une larme ne monta aux yeux de Burns. Pas un muscle de sa figure pensive ne bougea pour en altérer l'expression habituelle. Allez, debout, fermez vos livres. Debout, en rang. Silence absolu. Quel est votre prénom ? Hélène. Hélène. Burns. Venez-vous de loin ? Du nord, près des frontières de l'Écosse. Est-ce que vous y retournerez un jour ? Je l'espère. Personne ne peut répondre de l'avenir. Vous devez avoir hâte de quitter le Wood. Mais non. Pourquoi ? J'ai été envoyée ici pour m'instruire. Il serait inutile de partir avant d'avoir obtenu ce résultat. Mais cette maîtresse, Miss Catcher, elle est cruelle pour vous. Cruelle ? Non. Elle est sévère, elle n'aime pas mes défauts. Si j'étais à votre place, je ne l'aimerais pas. Je lui résisterais. Si elle me frappait avec cette verge, je la lui arracherais et je la casserais sous son nez. Vous ne feriez sans doute rien de pareil. Mais si vous le faisiez, Mr. Brocklehurst vous expulserait de l'école. De plus, la Bible nous ordonne de rendre le bien pour le mal. Mais c'est si affreux d'être battu et d'avoir à rester au milieu d'une salle pleine de monde. Et vous êtes si grande. Je suis bien plus jeune que vous, mais je ne pourrais pas le supporter. Pourtant, ce serait votre devoir de le supporter si vous ne pouviez l'éviter. C'est absurde et lâche de dire que l'on ne peut supporter ce que la destinée nous oblige à supporter. Vous dites que vous avez des défauts, Hélène. Lesquels donc ? Vous me semblez parfaite. Je suis, comme le dit Miss Catcher, malpropre. Je ne garde jamais les choses en ordre. J'oublie les règles. Je lis quand je devrais apprendre mes leçons. Je n'ai pas de méthode et quelquefois je dis, comme vous, que je ne peux pas supporter d'être contrainte. Tout cela est irritant pour Miss Catcher, qui est naturellement ponctuelle et pointilleuse. Lorsque je devrais l'écouter et enregistrer tout ce qu'elle dit avec assiduité, je perds parfois le son même de sa voix. Je tombe dans une sorte de rêve. Quelquefois, je songe que je suis dans le Northumberland et que le bruit que j'entends autour de moi est le murmure d'un petit ruisseau qui traverse Dipten, près de notre maison. Alors, lorsque mon tour arrive de répondre, il faut que je me réveille, et comme je n'ai rien entendu pendant que j'écoutais ce ruisseau imaginaire, je n'ai rien à dire. Et la directrice, Miss Temple, est-elle aussi sévère que Miss Catcher ? Miss Temple est très bonne. Elle est peinée lorsqu'il faut être sévère avec une élève, fût-ce la plus mauvaise de l'école. Lorsque Miss Temple vous donne des leçons, votre esprit s'égare-t-il aussi ? Non, pas souvent. Parce que Miss Temple a généralement quelque chose à dire qui est plus nouveau que mes propres réflexions. Eh bien alors, avec Miss Temple, vous êtes bonne ? Oui, d'une façon passive. Je ne fais pas d'efforts, je suis mon inclination. Il n'y a aucun mérite à une pareille bonté. Mais si, vous êtes bonne avec ceux qui sont bons pour vous. Si on était toujours bon et obéissant avec ceux qui sont cruels et injustes, les méchants seraient trop contents. Quand on frappe sans raison, il faut frapper aussi. Plus fort. Cela prendra à celui qui nous a frappés à ne jamais recommencer. Ce n'est pas la violence qui surmonte le mieux la haine, ni la vengeance qui guérit les injures. Quoi donc alors ? Lisez le Nouveau Testament et observez ce que le Christ dit et comment il agit. Faites de sa parole votre règle et de sa conduite votre exemple. Que dit-il ? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et vous couvrent de mépris. Hélène Burns, si vous ne rangez pas immédiatement votre tiroir sans oublier de plier votre ouvrage, je vais dire à Miss Catcher de venir le regarder. Oui, oui. Mes affaires sont en effet dans un désordre affreux. J'avais l'intention de les ranger, mais j'ai oublié. Mon premier trimestre à Lowood me parut une éternité bien ennuyeuse. Pendant les mois de janvier, février et mars, les tombées fréquentes de neige suivies du dégel rendirent les chemins impraticables en dehors de l'établissement, sauf pour nous rendre à l'église. Cependant, il nous fallut passer une heure en plein air chaque jour. Nos vêtements étaient insuffisants pour nous protéger contre ce froid extrême. Nos mains nues se couvrirent d'engelures comme nos pieds. En outre, notre maigre pitance ne suffisait pas à nos appétits d'adolescentes. Cet état de choses amenait des abus. Les grandes, affamées, forçaient les petites à leur abandonner une partie de leur portion. Plus d'une fois, j'ai divisé entre deux élèves le précieux morceau de pain brun distribué à l'heure du thé, et après avoir laissé à une troisième la moitié de ma tasse de café, j'en ai avalé le reste avec des larmes dissimulées que m'arrachaient les exigences de la faim. Une après-midi que, penché sur mon ardoise, je cherchais la somme d'une longue addition, mes yeux levés par hasard vers la fenêtre aperçurent quelqu'un qui passait. Je reconnus la silhouette décharnée. Et lorsque deux minutes après, la classe se leva en masse, il ne me fut pas nécessaire de m'assurer en l'honneur de qui avait lieu cette manifestation. Un pas allongé mesurait la classe. Et bientôt, aux côtés de Miss Temple, se dressa la même colonne noire qui m'avait observée avec une sévérité de mauvais augure à Gateshead. Votre colle, mademoiselle, rentrez-le. Je regardais ce morceau d'architecture. C'était bien Mr. Brocklehurst, boutonné jusqu'au menton dans sa redingote et ayant l'air plus long, plus étroit et plus rigide que jamais. Je n'avais pas oublié les allusions perfides de Mrs. Reed à mes mauvaises dispositions, et je redoutais éperdument l'arrivée de celui qui devait me stigmatiser aux yeux de tous comme méchante petite fille. Et ce moment terrible était arrivé. Il était là, parlant à Miss Temple, et sans aucun doute lui révélant mes crimes. Je suivais son regard avec une anxiété pénible, m'attendant à chaque instant à le voir tourner sur moi ses noires prunelles chargées de répugnance et de mépris. Vous pourrez dire à Miss Smith que j'ai oublié de marquer les aiguilles à repriser, mais elle aura les paquets la semaine prochaine, et surtout qu'elle n'en donne qu'une à la fois à chaque élève. Si elles en ont davantage, elles les perdront. Et puis, oh, Miss Temple, je voudrais bien que les bas de laine fussent mieux surveillés. La dernière fois que je suis entrée dans le potager pour examiner le linge qui séchait, il y avait une quantité de bas dans un triste état, et d'après la taille des trous, j'ai bien vu qu'on ne les avait pas entretenus à temps. Vos ordres seront exécutés, monsieur. Miss Temple, quel est cet élève avec les cheveux frisés ? Des cheveux rouges, mademoiselle, complètement frisés. C'est Julia Severn. Julia Severn, vraiment. Et pourquoi a-t-elle frisé ses cheveux? Pourquoi, malgré tous les principes et règlements de cet établissement, se fait-elle une coiffure de boucle? Ici, dans une institution évangélique de charité. Les cheveux de Julia frisent naturellement. Naturellement? Oui. Mais nous ne devons pas nous conformer à la nature. Je désire que ces jeunes filles soient enfants de la grâce. Et de plus, pourquoi cette abondance? J'ai dit et redit que je désire que les cheveux soient serrés avec modestie et simplicité. Miss Temple, il faut me couper les cheveux de cette jeune fille. J'enverrai un barbier demain. Ces torsades doivent tomber. Mais, monsieur... Mademoiselle, Je sers un maître dont le royaume n'est pas de ce monde. Ma mission est de mortifier en ces jeunes filles les convoitises de la chair, de leur apprendre à se vêtir avec honte et sobriété, non à porter des cheveux apprêtés et de coûteuses préparations. Et cette élève porte une torsade de cheveux noués comme si la vanité en personne l'avait coiffée. Je le répète, ses cheveux doivent être... Qui a fait tomber son ardoise? Encore une élève sans soin, je vois. Ah! Mais c'est la nouvelle. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai un mot à dire à son sujet. Que l'élève qui a cassé son ardoise sorte des rangs. N'ayez pas peur, Jane. J'ai bien vu que c'était un accident, vous ne serez pas puni. Vous, apportez-moi ce tabouret. Posez-le au centre. Mettez-y l'enfant. Debout. Miss Temple, maîtresses et élèves, vous voyez tous cet enfant. Qui pourrait croire que le malin a déjà trouvé un allié en elle? Pourtant, je regrette de dire que tel est le cas, car ma langue se refuse à le dire. Cette jeune fille, cet enfant est une menteuse. C'est de sa bienfaitrice que je tiens cela. Une pieuse et charitable dame qui adopta l'orpheline, l'éleva comme sa fille et dont la malheureuse paya la générosité de tant d'ingratitude qu'elle fut obligée de la séparer de ses propres enfants, de peur que son mauvais exemple ne contaminât leur pureté. Je vous prie donc, élèves et maîtresses, de ne point laisser l'eau stagnante autour d'elle. Qu'elle reste encore une demi-heure sur ce tabouret. Et que personne ne lui parle jusqu'à demain. J'étais là-haut. Moi qui avais dit que je ne pourrais supporter cette honte, j'étais là, exposée à la vue générale sur un piédestal d'infamie. 5 heures sonnèrent avant la fin de la demi-heure. La classe se débanda et chacun alla au réfectoire pour le thé. Je m'aventurai à descendre. Le crépuscule venait. Je me réfugiai dans un coin et me mis à pleurer. J'avais fait tant d'efforts pour devenir meilleure et pour bien travailler à Lowood, pour m'y faire des amis, pour y gagner la considération et l'affection. Déjà, j'avais fait de visibles progrès. Ce matin même, j'avais atteint la tête de ma classe. Miss Miller m'avait loué chaudement. Miss Temple avait souri en approbation, me promettant de m'enseigner le dessin et de me laisser apprendre le français si je continuais mes progrès pendant 2 mois encore. Et puis, j'étais bien vue de mes camarades, traitée en égale par celle de mon âge et maltraitée par aucune. Maintenant, j'étais de nouveau brisée et écrasée. Comment pourrais-je jamais me relever? Allons manger quelque chose. Hélène, pourquoi restez-vous avec une fille que tout le monde prend pour une menteuse? Jane, vous vous trompez. Il n'y a probablement pas une seule personne dans cette école qui vous méprise ou vous déteste. Et je suis sûre que beaucoup vous plaignent. Comment peut-on me plaindre après ce qu'a dit Mr. Brocklehurst? Mr. Brocklehurst n'est pas un dieu, ni même un grand homme. On ne l'aime guère ici. S'il vous avait traité comme une favorite, vous auriez trouvé des ennemis autour de vous. Tandis que dans l'état des choses, La plupart vous offriraient leur sympathie si elles osaient. Les maîtresses et les élèves vous regarderont froidement pendant un ou deux jours peut-être, mais elles cachent des sentiments amicaux dans leur cœur à votre endroit. Et si vous persévérez à bien faire, ces sentiments paraîtront. De plus, Jane, si le monde entier vous détestait et vous croyait méchante, tandis que votre conscience vous approuvait et vous absolvait, vous ne seriez pas seule. Je suis venue à votre recherche, Jane Eyre. Dites-moi, quelle est cette dame que Mr. Brocklehurst appelle votre bienfaitrice ? C'est Mrs. Reed, la femme de mon oncle, qui en mourant m'a laissée à sa garde. Et ne vous a-t-elle pas adoptée de son propre gré ? Non, mademoiselle. Elle a été bien fâchée d'avoir à le faire. Mais mon oncle, à ce que j'ai souvent entendu dire aux domestiques, lui fit promettre avant de mourir qu'elle me garderait toujours. Eh bien, Jane, vous savez, ou du moins je vous apprendrai, que lorsqu'un criminel est accusé, on lui permet toujours de présenter sa défense. Vous avez été accusé de mensonge ? Défendez-vous de votre mieux. Dites-moi tout ce que votre mémoire peut vous rappeler. Mais n'ajoutez et ne retranchez rien. Eh bien, je suis orpheline et... Je racontais l'histoire de ma triste enfance. L'émotion que j'avais subie m'empêcha de mettre dans mon récit l'aigreur et la rancune que ce thème douloureux me tirait d'habitude. Ainsi dépouillé, il paraissait plus véridique. Et à mesure que j'allais, je sentais que Miss Temple me croyait pleinement. Au cours de mon récit, je mentionnais Mr. Lloyd et sa visite après ma crise, car je ne pouvais oublier le terrible épisode de la Chambre Rouge, les spasmes d'agonie et mes prières que Mrs. Reed avait repoussées. Je connais un peu Mr. Lloyd. Je vais lui écrire. Et si sa réponse corrobore vos dires, vous serez publiquement lavé de tout soupçon. Dès à présent, je vous crois, Jane. Une semaine après, Miss Temple, qui avait écrit à Mr. Lloyd, reçut sa réponse. Son récit corroborait le mien. Miss Temple convoqua l'école entière et annonça qu'une enquête ayant été faite sur l'accusation portée contre moi, elle était enchantée de pouvoir annoncer que j'étais innocente. Alors, les maîtresses me serrèrent la main et m'embrassèrent, et un murmure de plaisir passa parmi mes compagnes. Ainsi déchargée de mon lourd fardeau, je me mis résolument à l'œuvre, décidée à me frayer un chemin à travers toutes les difficultés. Je travaillais sérieusement, et le succès fut proportionné à mes efforts. Ma mémoire, qui n'était point naturellement tenace, s'améliora avec la pratique. Mon intelligence s'affina aussi. En quelques semaines, je montai d'une classe, et en moins de 2 mois, on me permit de commencer le français et le dessin. Je n'aurais pas échangé Lowood avec toutes ses privations contre Gateshead et tout son luxe. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Deuxième épisode, avec Julie-Marie Parmentier, Aurélie Nusillard, Laurent Cléry, Sandy Ouvrier, Valérie Moinet et Nathalie Canoui. Et les voix de Marie-Charlotte Biais, Sophie Doll, Manon Jusforgue, Manon Knozé, Marjorie Delarquier, Capucine Lespinasse, Leslie Menahem, Luna Murati, Yasmine Nadifi, Marie Nedjar, Emmanuel Apache, Claire Rapin, Maëlys Ricordo, Lola Roskis, Pascal Roger. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Houssin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.